son rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Hola bandi à la planète et la familia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 1er mars et c'est le carnaval. Bah ouais, peut-être que vous allez vous déguiser si vous allez au boulot ce matin. Sur le chantier, je vois bien déguisé en village people. Ouais, passez une belle journée. Côté ciel aujourd'hui, c'est pas terrible, hein. Ça n'a rien à voir avec hier. Alors hier, on avait du soleil de ouf. Et aujourd'hui, bah, on descend. Malheureusement, un petit degré du jour, des nuages avec quelques gouttes de pluie et on dépassera pas les 10, 11, voire 12 degrés. Le beau temps devrait revenir normalement, si tout va bien, ce week-end, vendredi et samedi, puis dimanche aussi, voilà. Les bonnes nouvelles, en tout cas, c'est carnaval avec vous aujourd'hui, peut-être, du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Pithiviers, vous pouvez m'appeler 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Et plein de douceur pour bien vous réveiller avec Lento et Daniel Santa Cruz. Arc-en-ciel. Es complicado

C'est Funky dans la radio, on est heureux de vous retrouver, on est là pour vous donner du bon humeur et puis du soleil aujourd'hui, bah malheureusement il ne sera pas là. Donc profitez, mais hier j'allais profiter. Et puis il sera notre invité au téléphone. Ah ouais, tout à l'heure. Dans 30 minutes à peu près, ouais, Chris Anderson. Forcément ce titre vous le connaissez, vous l'avez dansé dans les soirées, dans les mariages, dans les anniversaires. Même en boîte encore on le danse, hein, avec Last Night, le titre qui a 22 ans déjà, ouais, ça passe, hein. Eh bien, il va nous raconter un peu son histoire. Tout à l'heure au téléphone avec nous, Chris Anderson, en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Soyez heureux la famille, avec du son qui arrive. Wild Low, et là, là, c'est Louyana qui arrive sur la Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon petit déj et bon réveil. En direct, et ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, ou vous réveille. Ouais, on vous réveille, au boulot, au bahut. Ça, c'était pour la Coupe du Monde, je sais plus quelle année. On embrasse Saint-Patoche le matin pour vous réveiller. 7h16 avec Louyana et Mampi, Wiley, Lou et Lala. Ben, c'est pas facile à dire, je peux vous le dire. C'est la journée du compliment aujourd'hui. Eh ouais. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, le 1er mars, a lieu la journée mondiale du compliment. Et oui, une journée entière pour donner et recevoir des mots doux. Les enfants ont besoin de se sentir aimés, encouragés et valorisés par leurs parents. Donc n'hésitez pas à faire des compliments. Et puis on voulait saluer aussi notre ami Stéphane qui est passé nous voir à la radio, un auditeur fidèle du matin. Et bien, on lui a payé le café. Vous aussi, vous pouvez venir nous voir peut-être un matin, ça se trouve. On vous donnera l'autorisation, avec plaisir en tous les cas. 1er mars, donc que des compliments aujourd'hui. Vous êtes beau, vous êtes magnifique, vous êtes gentil, vous êtes adorable. Ouais, peut-être. Après, pas avec tout le monde, hein. Il y en a qu'on déteste, hein. On peut leur faire un compliment quand même. Allez, Dieu vous le rendra, comme on dit. Obsession qui arrive, c'est sur Radio Arc-en-Ciel avec Lucenzo. Belle journée et bon réveil. On est en direct. 5 en la mañana, yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Oye, conocí tu novio, pequeño y nuevo hermoso, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas, porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo ir respetarlo. Amiga ya me lo negó, ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada, con par de palabritas tu número me dio. No. Hice cita pa'l psiquiatra, a ver si me ayudaba, pues ya no tengo amigos, pues solo habla de ti. Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte, será posible que de una obsesión uno pueda morir. Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto, con lujo de detalles, escucha mi versión. Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte, llévate a otro mundo en tu mente y corazón. Appelle le 02 38 43 48 00. Qui est ici? Nossa. Tu

rappelle des souvenirs, ça. Ça va pas nous rajeunir, hein. La Lambada. Et malheureusement, avec cette chanteuse qui nous a quitté, c'était en 2017. La chanteuse la Lambada, Lo Alva. Belle journée, bon réveil. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et côté météo aujourd'hui, c'est pas terrible. La météo. La météo sur Radio Arc-en-Ciel, le ciel est nuageux, couvert malheureusement. Quelques gouttes de pluie sont attendues, ça change d'hier. Hier, il y a un soleil de ouf, ouais, sans déconner. Et aujourd'hui, très calme, hein. Des nuages malheureusement, de la pluie avec des températures, ça va, jusqu'à 12 degrés aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Et ça va être comme ça jusqu'à jeudi, normalement, si tout va bien sur Météo France. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et la semaine prochaine, il va faire beau. Ouais, il va faire super beau, voilà, donc comme ça au moins, on est tranquille. Du son carrément, on a Daddy Yankee, ça c'est pour bien vous sortir de l'île, vous qui venez d'arriver du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Pithiviers, et bien allez-y. Vous pouvez nous appeler aussi au standard, hein, 02 38 43 48 00, 7h45, il sera au téléphone avec nous, le créateur du Madison, Chris Anderson et le Babaou. Ça c'est le son de Daddy Yankee, 7h30, 7h31 même, hein. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio, on est là jusqu'à 9h. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Ah oui, on est là, hein, pour vous réveiller, vous donner le smile, le sourire en anglais, voilà, je vais faire la traduction en même temps. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras, eh ouais, une période festive, hein. Cette période marque la fin de la semaine des 7 jours gras, autrefois appelé jour charnel. Le Mardi Gras est suivi par le Mercredi des Cendres et le Carême, pendant lequel les chrétiens sont invités à manger maigre. Ouais, donc tranquille sur la bouffe aujourd'hui, nous nos croissants et au pain au chocolat, hein. Traditionnellement, on s'abstient de viande aujourd'hui. Normalement, hein, si vous voulez, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Du son qui arrive, Lucenzo, avec Baila Morena, Damien Besso. Belle journée, bon petit déj et bonnes vacances si vous êtes en vacances. Lucenzo. De FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Alors je danse sur du cannelle. lele. Le t'inquiète pas pour ma bébé, ça va aller lele. La fiesta n'est pas finie, le temps aller lele. Alors je danse sur le canet lele. Les soucis, les problèmes, je ne peux pas les calculer. Le t'inquiète pas pour ma bébé, ça va aller lele. La fiesta n'est pas finie, le temps aller lele. Lele, lele, lele, lele. Kanye Lele, ça c'est Diesel, c'est un petit remix sympatoche le matin pour vous réveiller, heureux d'être avec vous, c'est Franck dans la radio, jusqu'à 9h, 7h38, aujourd'hui c'est la journée la plus longue, ça va être les jours qui vont se rallonger, ça va être bien, le beau temps devrait revenir ce week-end, ça c'est la bonne nouvelle, on va pouvoir boire des petits cocktails comme ça sur les terrasses des bars, des cafés, des restos, et puis on va pouvoir sortir en boîte aussi le week-end, faire la fête, pourquoi pas, avec vous, heureux d'être avec vous, c'est Franck dans la radio, 7h, 9h, Chris Anderson sera au téléphone dans quelques minutes avec nous, le roi du Madison, Babaou, eh bien, on saura le tout. 22 ans, le titre, imaginez-vous. Eh bien, il va tout nous raconter. En moins de 10 minutes, voici Barry White. Here flows the lens, my everything. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Heures du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Thank you. ça. Et la météo qui arrive. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est couvert, nuageux malheureusement, et ça va perdurer toute la journée. Les températures de 1 à 12 degrés. Belle journée et bon réveil avec Nicky Jam qui arrive. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuché quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia. Que te trata mal y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer. A mí tengo una inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Que seas feliz con él. Radio Conseil en direct ce matin, 7h48, un peu de soleil, ça fait du bien sur Orléans malgré la, le ciel gris aujourd'hui. Et bien là, le soleil arrive en direct, c'est Chris Anderson. Bah oui, vous connaissez ça. Aïe. Ah ouais, bah là vous dites, vous êtes en bagnole, vous dites ce week-end, j'étais à un mariage, j'ai dansé là-dessus. Et bien il est avec nous au téléphone, c'est Chris Anderson. Bonjour Chris. Salut Francky, salut. Et dès que j'ai mis le titre là, les gens dans les voitures ont dû se dire, ah ouais, samedi soir, l'anniversaire de mon beau-frère, j'ai dansé le Madison. Bon ça va, il n'y a pas que les anniversaires. Non, il y a tout, même en boîte. Les clubs encore, ouais. Bah, heureux, et beaucoup les clubs d'ailleurs, même nous d'ailleurs on a un club, on le joue bah, tous les week-ends, il hein. Faut être honnête. Hein. Voilà, donc je te dois de l'argent. Et moi aussi je t'envoie. Ah non, non, on paye la SACEM. Ah non, non, non, nous on est honnête, on paye la SACEM, Chris. Voilà, moi je veux te dire une chose, en tant que DJ depuis 28 ans quand même, je veux juste dire que quand on met ce titre là, hein, ça soit n'importe où, franchement les gens ils viennent danser. C'est quoi la réussite? C'est que ça se passe comment, Chris? Ça se passe comment? Ça se commande pas, ça se prévoit pas. On aspire toujours à faire un tube, bien évidemment, mais on s'attend pas à ce genre de situation un petit peu magique, on va dire. Mmh. Voilà, j'ai pas d'explication. C'est juste, je prends ce qu'il y a à prendre et j'en profite un maximum avec les gens, avec le public, et puis voilà. Ah ouais. C'est cadeau. Alors c'est cadeau. Pour expliquer aux auditeurs un petit peu ce matin, l'idée, l'origine de ce titre, comment t'es venu justement cette idée il y a plus de 20 ans? Oui, il y a plus de 20 ans, quand j'étais disque jockey comme toi. Ah ouais. Ça existe encore, hein, on vous rassure. Oui, oui, oui. J'animais mes soirées en tant que disque jockey et en tant que chanteur, parce que je chantais sur les face B, comme on disait à l'époque. Ouais. Et j'avais trouvé un instrumental américain qui me plaisait et sur lequel j'avais posé des paroles et puis mon chant. Et, ouais. Et 10 ans après, un producteur m'a entendu chanter. Et m'a proposé de me produire et j'ai dit bingo, allons-y, pourquoi pas. Ouais. Voilà. C'était pas prévu au programme non plus. Ouais, mais bon, on va dire un beau programme, plus de 20 ans après quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on en vit aujourd'hui encore? Bah oui, parce que il y a. J'ai la chance d'en vivre, effectivement. ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'artistes malheureusement. Et mais depuis le Covid, j'en vis moins bien. Ouais, comme beaucoup. Voilà, comme tout le monde, comme tout le monde. C'est un, on va dire, je sais pas si c'est, on peut comparer peut-être, mais c'est un peu le titre de Patrick Hernandez de Born to Be Alive. C'est ce que j'aime m'amuser à dire. Je suis le Patrick Hernandez des Antilles. Voilà. C'est ça. Tu es antillais. Contrairement aux apparences, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je ne suis pas américain, mais je suis français. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est vrai, hein, qui pensent que ce titre, bah, c'est un américain qui le fait, qui l'a écrit, et ça vient des États-Unis. Ben non, c'est un antillais. C'est Chris Anderson. C'est flatteur, mais non, je suis antillais de la Martinique, mais je suis né au Havre en Normandie. Et voilà. Et t'es avec nous ce matin, nous consacrer quelques minutes au téléphone, et ça nous fait plaisir. Il y a des scènes, des discothèques, des bars, des restos qui arrivent en programmation. Là, j'ai toute une tournée pour cet été. Là, enfin, ça fait du bien. Là, juillet-août qui est complet, toute une tournée des côtes de plage. Ça démarre de Monaco et ça finit en Bretagne. Et j'ai quelques clubs aussi là pour les mois qui arrivent qui ont fait appel à moi, et donc ça a l'air de redémarrer, donc c'est on reprend le sourire gentiment. Ça fait du bien. Le Covid, oui. ça a été compliqué, je suppose, pour toi, pour tout le monde d'ailleurs, hein. On va pas dire que c'était la joie. Hein. C'était compliqué pour tout le monde psychologiquement, financièrement aussi un petit peu. Ça fait un petit peu de mal, mais bon, je vais pas trop me plaindre. T'as pas de plainte. Il y a Stéphane qui est avec nous. Bonjour Stéphane, ça va? Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. Ça va Stéphane? T'aimes bien le Madison, toi, Chris Anderson? Je l'écoute, mais je le danse pas. Ah. Mais c'est pas obligatoire de danser. Ah bah tant mieux. Juste dandiner un petit peu, tu sais, tu bouges un petit peu les fesses. Même pas. Tranquillement. Merci mon Stéphane. Juste pour terminer, c'est vrai que ce titre, Chris Anderson, moi je le vois dans les soirées, je le vois partout. T'as ce truc de ouf quand même, quand tu mets la première note, tout le monde le reconnaît, tout le monde se rue sur la piste. C'est la folie, hein. C'est magique. Comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes avec Chris Anderson. Eh bien, justement, ce matin, vous êtes dans vos voitures, on va vous rappeler votre week-end en discothèque ou dans un bar ou dans un resto. Et Chris Anderson, le Madison. Des tournées sur Orléans, j'espère qu'on te verra. Je te le redirai en off. Off, ouais, bien sûr. On va pas booker le planning ce matin. Hein. Ça marche. Et puis, bonne journée à tous les auditeurs et surtout les auditrices. Ah, charmeur en plus. Merci Chris Anderson. Salut Francky. Salut. Bonne journée. Chris Anderson. Et vous le connaissez par cœur. We'll be right back. with a ramp. Gonna shake, gonna make it go. For the rap shop rockers in the neighborhood. Baba, baba, baba, baba. Diggy, diggy, diggy, pow! Sympa. Allez, on vient de l'avoir au téléphone hein, depuis Brest. Bah ouais, notre ami Chris Anderson, le fameux Madison. Il nous a consacré quelques minutes après avoir fait une nuit de folie. Et bien voilà, on a su l'histoire du Madison, 22 ans. Ça vient des États-Unis et il n'est pas américain, il est martiniquais. Et on le salue au passage, notre ami Chris Anderson. Et merci à toi de nous avoir accordé ces quelques minutes en direct sur Radio Arc-en-Ciel. L'horoscope carré pour vous ce matin, que vous soyez bélier ou taureau, et bien votre avenir est entre mes mains. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope, tout de suite, et puis aujourd'hui, c'est la journée du compliment, donc n'hésitez pas à faire plein de compliments à vos collègues de bureau, par exemple. Ce matin, les béliers, vous ne supportez aucune entrave à votre liberté, vous serez plus naturel et vous gagnez en aisance. Les taureaux, vous allez vous trouver en excellente position en ce qui concerne votre vie sentimentale. Les gémeaux, votre vie conjugale se cimente et s'épanouit dans la réciprocité des sentiments. Les cancers, si vous êtes marié, ça sera la routine, sans grande enthousiasme, mais les célibataires, allez-y, foncez, n'hésitez pas, peut-être l'âme sœur est pas loin. Les lions, vous allez rugir de plaisir ce matin, célibataires, faites attention à ne pas vous laisser abuser par de belles paroles. Les vierges, c'est le retour de la complicité avec votre partenaire. Les balances, en couple, vous déciderez probablement de faire le grand saut vers le mariage. Ah là là, pas mal ça ce matin, hein, pour des compliments, tiens. Vous lui dites, bah t'es belle ce matin, je veux t'épouser, ou je veux t'épouser, eux. Les scorpions, attention à ne pas prendre au tragique les phrases anodines, vous êtes trop susceptibles aujourd'hui. Les sagittaires, certaines planètes vont protéger votre vie sentimentale, mais d'autres pourraient être plus gênantes. Les capricornes, vous serez très optimistes aujourd'hui, un peu trop même, donc ménagez-vous. Les verseaux, vous serez très épanouis sur le plan affectif, laissez-vous aller savourer ces moments privilégiés. Les poissons, pour terminer, romantisme et sensualité sont au programme ce matin. Vous allez peut-être rencontrer l'âme sœur, peut-être à la machine à café. Ça arrive des fois, hein. Ça se peut, marraine qui arrive. Et on adore Fabiane et Juan Mai. Hein, un peu de douceur comme ça pour vous emmener à la porte du bureau. Déjà sur le chantier depuis de bonne heure comme José. Voici marraine. Je te ferai mienne à la nuit tombée pour que tu reviennes. Quand je l'ai rêvé, tu seras ma reine. Je vais te le combler. Je te ferai mienne à la nuit tombée pour que tu reviennes. Quand je l'ai rêvé, tu seras ma reine. Je vais te combler. Laisse-moi une chance de venir à tes côtés. Je ne serai pas cet homme qui ne fera que t'abandonner. Juste laisse-moi le temps de te montrer. Tu n'es pas content, tant tu pourras t'en aller. J'ai essayé de t'oublier. Ces choses que je ressens quand tu es à mes côtés. Chaque jour c'est la même et je ne sais plus quoi penser. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Trouver une femme comme toi. Que modèle comme une reine. Tan original, baby. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Enfin trouver un peu d'espoir. ressens quand tu es à mes côtés. Chaque jour c'est la même. Radio Concierge, je suis perturbé ce matin parce qu'il y a Stéphane qui est dans les studios. Ça va Stéphane? Tu vas bien? Ouais, la forme. Eh, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé là. C'est la technique, c'est Michel, live jockey, c'est Momo. Il y a un mec qui a appuyé sur un bouton apparemment. Ah. C'est peut-être le technicien. Stéphane qui est auditeur sur Radio Arc-en-Ciel, qui est venu nous faire un petit coucou. Merci d'ailleurs pour les croissants, les pains au chocolat, ça fait plaisir. Mais merci à toi Francky de m'avoir accueilli. Ouais. Ça parle Chris Anderson tout à l'heure au téléphone. Ah, c'est clair, c'était sympa, ouais. Le mec qui a créé le Madison, le Babaou, Babaou, il nous a consacré, il est de Brest, par là, hein, c'est loin, hein, c'est vers, moi je sais pas où c'est, où Brest. Bah, nous on est là. Ouais. Et Brest c'est là. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, c'est là, c'est dans le nord, quoi. Le nord de la Bretagne, on va dire. Le nord de la Bretagne. Et bon, on le salue, mon ami Chris Anderson, qui nous a consacré quelques minutes. On est au café, nous, ce matin. On est tranquille dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel avec Stéphane qui est passé nous faire un petit coucou, qui est en vacances. C'est quoi le programme des vacances aujourd'hui, Steph? Ah, rien. Rien du tout. Bon, bah, comme ça, au moins, bah, tu me diras, les vacances, ça sert à ça, hein. Peut-être aller boire une bière cet après-midi. Ah, je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça, c'est super important aussi. Ouais, à boire avec modération. Exactement, Steph. Bonne journée sur le soleil de la Radio Arc-en-Ciel à Yann Kamoura qui arrive. Et jolie nana. Bah, y a... Ouais, c'est ça, c'est le matin, ça démarre avec ça. Belle journée. C'est pas mal ça, moi j'aime bien moi. Aïe, la Camorra. Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître. T'es rempli de charabia, tu ne sauras plus rien du nu, moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la. Qui va se négliger, je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie. Mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts. Mais à qui tu vas la faire? Moi j'ai le mental, ouais à qui tu vas la faire? Retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais j'ai le mental. À qui tu vas la faire? À qui tu vas la faire? Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les pipo. Les pipo, oh yeah. Ah voilà, j'en fais un compliment ce matin, jolie nana. C'est la journée mondiale du compliment, donc soyez gentils. Même avec vos enfants, tiens, pour une fois. Jolie nana, sur la croisière, heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Côté ciel, c'est pas terrible aujourd'hui, hein. De la pluie, des nuages, pas de soleil malheureusement, comparé à hier. Mais le soleil reviendra ce week-end. Un peu de bachata, de salsa, de latina, lo que paso, c'est Daddy Yankee, belle journée et bon réveil, courage à vous, si vous allez bosser du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray ou encore Pithiviers. son Latina del matin, ça fait du bien pour vous emmener au bureau ce matin. Si je vous dis Gadjoello, Moji, vous connaissez? Bah oui, peut-être, non pas du tout. Master KG, grand DJ sud-africain, il a fait Jérusalem, il y a déjà 2 ans et demi. Et ça passe, voici le nouveau. C'est bon ça, avec Dibuga Limpopa. C'est la suite, hein. Diboya Limpopo, Master KG, grand DJ révélé en 98 avec son premier single, Master KG, qui arrive du Sud-Afrique et puis qui cartonne hein, en ce moment avec notamment le titre que vous connaissez tous, hein, Jérusalem. Belle journée et bon réveil avec Ed Sheeran qui arrive, Chap en Me, c'est la version Kizomba. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-ciel. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we talk slow. You come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, put Phenomen on the jukebox, and then we start a dance. And I'm singing like, I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. me a 50, so go all you can eat. Fill up the bag and I fill up a plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family is doing, okay. And even getting a taxi and kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, do you know I want your love? Your love was handmade for somebody like me. Come on, I'll follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on, I'll follow my lead. Come on, I'll follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something. Cette version Kizomba de Ed Sheeran, Chep of You. Belle journée et bon réveil. Le son fun qui arrive à l'ancienne, histoire de vous rappeler quelques bons moments ce week-end en boîte, pourquoi pas. 7h-9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Ah ouais, au boulot ce matin, bande de feignasses. Oliver Chetham, Get Down Saturday Night. Belle journée, bonne matinée. Aujourd'hui, que des compliments. Normal, vous êtes beau, vous êtes magnifique, vous êtes gentil, vous êtes adorable. C'est la journée du compliment, alors n'hésitez pas, lâchez-vous. Saturday Night Fever. Calling, but where to begin? Pink Fever avec Elsonny Oliver Chutton qui nous a quitté en 2013. Ça passe, hein, il y a presque 10 ans, chanteur funk américain. Il est né à Michigan. Ah ouais, il nous a quitté le 29 décembre 2013. Au Royaume-Uni, un sacré monsieur de la funky music. Et puis ce titre intemporel, hein, le son funky avec Get Down Saturday Night. Belle journée, bon réveil, 8h20 juste avant la météo. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Ouais, le temps c'est pas terrible, on fait le point dans moins de 3 minutes juste avant Bella et Gims sur Radio Arc-en-Ciel. Votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille.

son avec vous, 8h32. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. Eh oui, les bons plans de la passerelle à notre belle salle à Fleury-les-Aubrais. Ça se passe vendredi 4 mars, The Kyler Sister sur scène à partir de 8 ans. Ce petit goût d'ailleurs qui fait du bien. Vous allez embarquer pour un voyage unique au cœur des années 30 avec les Kyler Sisters, au croisement des sonorités traditionnelles de l'archipel hawaïenne et du swing teinté d'imagerie hollywoodienne. Donc ne ratez pas ce beau spectacle dans notre belle ville de Fleury-les-Aubrais, c'est à la passerelle et c'est vendredi et à partir de 8 ans, voilà, du spectacle pour en prendre plein les yeux, ne ratez pas. Les Kyla Sisters, Marquito qui arrive au Lusitano, c'est sur un avancé le Berjonet et bon réveil. Oh. São 7 horas, estou atrasado. Pra ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho à demora. Nunca é pecado, chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que eu nasci ver. Gosto do fim de semana. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar. Eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia. Deixa andar a magia. Vou te dizer quem eu sou. Musicano cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Sem trabalho a demora, nunca é sacada, chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que eu devo ver. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou. Musicano cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Sur Radio Arc-en-Ciel avec Lusitano, Marquito, salut à Madame Ferreira qui nous écoute, salut Esperanza aussi qui est là, on vous souhaite une très très bonne matinée, c'est Funky jusqu'à 9h, on a du son caliente qui arrive. Rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Ah ouais, Radio Arc-en-Ciel, aujourd'hui Mardi Gras sur toute la planète, hein. C'est une période festive, ouais, vous pouvez vous déguiser, pourquoi pas aller au bureau en Superman, je sais pas si votre patron il serait d'accord, mais bon, à tenter. Cette période qui marque la fin des 7 jours gras, autrefois appelé aussi jour charnel, le Mardi Gras est suivi par le mercredi des cendres et de la carême, pendant lequel les chrétiens sont invités à manger maigre. Donc régime aujourd'hui, hein, pour tout le monde. Traditionnellement, on

Cardi B. Sou deste jajão, like Zé Calanga. Nem honesta não, muito menos franca. Que tamanha hipocrisia tu tens? Nada a ver com Pedro, mas me investe nos bens. Mama, matéria, não é seria. Nosso amor morreu, de Bing Lê. Vou tirar o pé, chefe Pererê. Pelo amor de Deus, sabes que eu amava teu meu coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão. Teu princesa pra rainha do Jajão. Eu não mereço, eu não mereço. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Red One. Mr. Worldwide. My man Shaki. Habibi, I love you, I need you. Habibi, mon cœur ne bat que pour toi. De ton amour dans mes vies. Au creux de tes bras, je n'ai besoin de rien. Comme dans un rêve où je me sens bien. Tu fais de ma vie un paradis. Viens et danse avec moi. For the bread and butter, yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat, that's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they gonna have to kill me. Even when you're gone, I'ma hunt you like a Chris Webber timeout final four. I love you, I baby, ich liebe dich. C'est la journée du compliment aujourd'hui, donc allez-y, hein, lâchez-vous, même avec les personnes que vous aimez pas. Hein. Ahmed Chowi, Kenza Farah, Pitbull sur la console Kungs qui arrive avec Lipstick. Belle journée et bon petit déj. Si vous arrivez du côté d'Orléans, eh bien on est là, on est connecté, 96 FM Kungs. I see your lipstick. j'adore ça. Ça réveille le matin. On va être avec vous, 8h50 minutes. Coucou à Edouard, connecté du côté de Saint-Jean-de-Bray. Salut à Fabienne aussi qui est là. Salut à Dad qui est là. Dad travaille à la SNCF. Merci la SNCF d'être toujours à l'heure. Eh ouais. La journée du compliment, lâchez-vous. Vous pouvez m'appeler 02 38 43 48 00. La bande à Lucenzo qui arrive. Et Don Omar. Duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro.